Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Est-ce que cette catégorie englobante, Dieu, est bel et bien valable pour parler des autres? Cette semaine, de la question religieuse. La notion de religion, en fait, est une notion moderne, est une notion qui date du XVIIIe siècle, en gros. Monothéisme, polythéisme, un vocabulaire interrogé. Cette notion de monothéisme, comme celle de polythéisme, ne correspond à rien. D'ailleurs, la plupart des historiens des religions antiques rejettent ces notions et passent leur temps à en faire la critique. Quand on considère à partir d'où cette question commence sérieusement à se poser, on découvre qu'elle vient essentiellement des penseurs chrétiens. Pierre Vesperini, vous avez participé au colloque qui s'est tenu en novembre dernier, dans un temps très ancien, où l'on pouvait encore circuler librement sans être confiné à domicile. Et vous êtes venu effectivement échanger avec quelques-uns de vos collègues autour de ces termes de monothéisme et polythéisme. Alors évidemment, la difficulté pour un exercice comme celui-là, qui consiste à ouvrir le dialogue, mais peut-être aussi... c'est la confrontation, ou l'affrontement, ou l'échange, c'est selon. Est-ce, de ce point de vue-là, y a-t-il eu échange, ou vous vous êtes trouvé face à une forme de réticence, ou de non-désir de cette ouverture que vous appeliez de vos voeux? Non, l'ambiance était très cordiale, je dois dire. L'ambiance était très cordiale, pas du tout crispée. Et puis par ailleurs, la personne qui organisait cette journée, qui est Daniel Barbu, c'est quelqu'un qui sait mettre tout le monde à l'aise, c'est très important. Donc il y avait une atmosphère très agréable. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est souvent difficile de créer des discussions. Souvent les gens se sentent pris à partie. Et d'ailleurs, c'est pas évident. Moi-même, quand dans mon intervention, j'ai entre guillemets pris à partie Guy Strumza qui se trouvait là. Attends, dans votre livre, vous dites que c'est un peu délicat parce que oui. on peut avoir l'impression d'agresser la personne alors que c'est pas du tout le cas. C'est vrai que c'est pas évident, mais là aussi tout se passe aussi dans une espèce de, il y a des choses imperceptibles, c'est la façon dont vous le dites, le regard que vous avez, le sourire que vous allez faire, où la personne va comprendre que vous êtes pas venu pour l'agresser, mais parce que vous êtes content de discuter avec elle et d'avoir cette occasion. Mais c'est vrai que c'est pas évident, et je pense que on doit au contraire cultiver cette pratique de la discussion frontale. C'est absolument fondamental, pas seulement dans la vie intellectuelle, mais dans la vie démocratique. On doit vraiment... Je déteste entendre l'idée qu'il faut un consensus, qu'il faut faire consensus, que la division en tant que telle est un problème, etc. Il y a des analyses très belles de Claude Lefort là-dessus, sur l'importance que la société soit divisée. Pour la liberté. La liberté ne peut pas survivre dans un monde consensuel. La liberté exige forcément la multiplicité, la diversité et donc la division. Et je cite toujours un passage de Pierre Bell, qui est notre grand ancêtre, l'auteur du dictionnaire critique à la fin du XVIIe siècle, qui a été fondamental pour les Lumières européennes, un auteur magnifique qui écrit un français sublime, et qui est vraiment un modèle de clarté et d'esprit critique, et en même temps plein de fantaisie et d'imagination en même temps. Et Pierre Bell dit que la République des Lettres, donc notre monde de savants, la République des Lettres, c'est un siècle de fer. Un siècle de fer parce que personne n'y respecte personne, c'est la guerre permanente. Pourquoi est-ce que c'est la guerre permanente? Parce que tout le monde recherche la vérité. Et comme on recherche la vérité, c'est la vérité qui prime. Donc si votre maître se trompe, si votre père se trompe, si votre ami se trompe, etc., si vous luttez pour la vérité, vous n'avez absolument pas à tenir compte de ça, vous devez simplement faire la critique de votre maître, de votre père, de votre ami, etc. Et ça, c'est quelque chose, je pense que... qui est peu cultivé. Si vous arrivez en faisant une critique frontale d'un de vos pairs, on va penser que vous êtes un donneur de leçons, que vous êtes arrogant, que vous êtes etc. Alors que la science ne peut pas avancer autrement que en faisant la critique de ce qui vous a précédé. Et encore une fois, je l'applique à moi-même. Il n'y a pas, je souhaite en permanence, mon plus grand souhait, c'est que quelqu'un écrive un livre ou écrive des textes qui me montrent que je me suis trompé et qu'on peut aller plus loin. Non pas pour revenir en arrière, mais qu'on peut aller plus loin. C'est la marche même de la science. Et donc cette idée que critiquer quelqu'un, c'est ne pas l'aimer, par exemple, c'est totalement ridicule. Mais c'est souvent comme ça que ça marche. Les gens pensent que si vous les critiquez, c'est que vous ne les aimez pas. Voilà. Et ça, c'est terrible. Sans doute aussi, faut-il rappeler que dans un temps pas si lointain, les querelles, les animosités, les oppositions de camps étaient à ce point tranchées que certains, un peu au milieu, je dirais, cherchaient désespérément la lumière ou les passerelles. C'est aussi des questions de période. Dans un temps où s'opposaient marxistes d'un côté et anti-marxistes de l'autre, il y avait peu de place pour ceux qui essayaient de trouver des terrains communs. J'ai relevé, Pierre Vesperini, une phrase qui m'a bien parlé de vous, que je vous cite, c'était dans l'oralité, donc on n'est pas dans l'écrit, mais vous dites à un moment « Ce qui nous chiffonne, c'est le christianisme. » Alors, puis-je me permettre de vous demander de déplier un petit peu ce que contient cette splendide phrase un peu à la Cioran. Oui, donc cette phrase dans mon intervention au colloque de Daniel Barbu, c'est cela ? Oui, eh bien, ce que je voulais dire par là, donc là je m'adresse à ce « nous », c'est nous les historiens qui travaillons sur les religions et sur l'Antiquité, disons. Ce qui nous chiffonne, ce qui fait que malgré tout, on persiste à parler de monothéisme par rapport au polythéisme, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se débarrasser de cette notion dont tout le monde dit qu'elle est inadéquate par ailleurs, c'est quoi finalement ? C'est qu'on essaye de penser, au fond, la différence entre le christianisme et les autres religions. Je pense que c'est ça le problème. Donc c'est ça qui nous chiffonne, ça. Et donc ce que je voulais dire à mes collègues, c'est que, au lieu de, finalement, de continuer à parler de monothéisme, au fond, il faut se demander ce qui se passe, ce qui se joue autour du christianisme et qui va faire rupture. C'est ça qui est très important. Et pour ça, on n'a pas besoin de cette notion de monothéisme. Et, ce qui me semble, c'est que le christianisme, tel qu'il apparaît à la fin de l'Antiquité, et tel qu'il va s'imposer, évidemment, dans une certaine version du christianisme, puisque, évidemment, il n'est pas question de nier qu'il y a eu plusieurs christianismes, plusieurs tendances, etc., dans l'Antiquité, mais à la fin, il y a quand même une unification sous le signe d'une église catholique, officielle, etc. Donc, c'est à ça que je pense quand je parle de christianisme. Ce qui est nouveau dans le christianisme, c'est la notion de vérité. C'est la notion de vérité dogmatique. Une vérité qui se donne dans un corpus de doctrine. Ce n'est pas le judaïsme qui l'introduit. Non, parce que le judaïsme, à mon sens... Alors là, vous faites référence à Yann Asman, je pense, au livre de Yann Asman sur Moïse et le monothéisme. Oui. Et sur et puis ensuite qu'il a repris dans le prix du monothéisme. Non, justement, c'est pas le judaïsme à mon sens. Et je pense que c'est l'erreur du livre de Yann Asman. Parce que le Dieu de la Bible, il dit je suis le vrai Dieu. Mais la vérité de ce Dieu n'est pas une vérité dogmatique. Ce n'est pas une vérité qui se donne sous un corpus de doctrine. La vérité de ce Dieu, c'est la vérité réalité. Je suis le vrai Dieu, ça veut dire que je suis le Dieu réel. Les autres, c'est pas des vrais dieux, etc. Donc, tu laisses tomber les autres, c'est moi qui compte. Bon. Mais ce qui est nouveau dans le christianisme, c'est l'idée que la religion est un ensemble de vérités doctrinales à laquelle on est tenu d'adhérer. Et la preuve de ce que je vous dis, c'est que dans l'Antiquité, les Juifs vivaient en bonne intelligence avec les païens. Les Juifs n'ont jamais prétendu que les païens devaient renoncer à leur religion, n'ont jamais prétendu qu'il fallait... tout le monde était tenu d'adhérer à la religion juive comme étant la seule vraie. Il y avait même dans les synagogues, dans certaines synagogues, des décorations avec des mythes. Donc il y avait, en ce sens... Le judaïsme était absolument compatible avec le paganisme. ce qui n'est pas le cas du christianisme. Parce que donc le christianisme est une religion qui se présente dans l'Antiquité comme une philosophia. Là aussi, il faut être, il faut appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la notion de religion n'existe pas dans l'Antiquité. Donc, le christianisme, c'est quoi? C'est une philosophia. Une philosophia au sens où c'est une voie d'accès à la connaissance du divin. C'est un des sens du mot philosophia dans l'Antiquité. Et donc, le christianisme se présente comme une philosophia en ce sens parmi d'autres. À cette différence que, alors que les autres philosophiae, même si elles prétendaient connaître la vérité, n'entendaient nullement empêcher les autres de s'exprimer, le christianisme va dire que à partir du moment où la vérité est trouvée, tout le monde doit se taire. Et ça apparaît très clairement, par exemple, dans la lettre de saint Ambroise de Milan à l'empereur Valentinien II, dans une célèbre discussion avec le sénateur païen Symmaque. Parce que le sénateur païen Symmaque dit, mais au fond, pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas adorer la divinité comme il l'entend? Il dit, c'est un tel mystère, il n'y a pas un seul chemin, c'est magnifique ce texte, hein, ce que dit ce sénateur romain, il n'y a pas un seul chemin vers ce mystère de la divinité. Et saint Ambroise répond, si, il y a un seul chemin, c'est nous qui l'avons trouvé. Et donc, maintenant, tout le monde doit se taire. Et ça, c'est totalement nouveau. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, et qui ne va pas de soi, c'est que non seulement on a trouvé la vérité, et donc non seulement tous ceux qui sont dans l'erreur doivent se taire, mais en plus de ça, chacun est tenu de rechercher cette vérité que nous avons trouvée. Et ça, vous l'avez dans le catéchisme le plus récent, le plus moderne, vous avez un article qui dit « Chacun est tenu de rechercher la vérité concernant Dieu ». C'est tout à fait étonnant. Aucune religion dans l'Antiquité ne prétendait une telle chose. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau avec le christianisme, et qui a des conséquences évidemment dramatiques dans l'histoire qui suit immédiatement la christianisation du monde antique, mais des conséquences dramatiques aussi après la sécularisation du monde, puisque finalement, cette exigence de vérité dogmatique, elle va se séculariser sous la forme des philosophies, sous la forme des philosophies politiques, sous la forme des idéologies. Vous parliez donc du communisme tout à l'heure, mais c'est un exemple parmi d'autres de la façon dont les régimes totalitaires modernes se présentaient comme des philosophies. On parle toujours de Heidegger et le nazisme, etc. Mais en réalité, la plupart des régimes totalitaires marchaient, j'allais dire, main dans la main avec des systèmes philosophiques. Bon, je pense par exemple à Mussolini et le philosophe italien Giovanni Gentile, qui était un des plus importants philosophes italiens de l'époque. C'était vraiment des systèmes philosophiques en action. Et voilà, donc je pense aussi à cette phrase du poète et écrivain polonais Czesław Miłosz, qui dit qu'à son époque, les gens se sont rendus compte que des systèmes philosophiques extrêmement ardus pouvaient avoir des conséquences extrêmement néfastes sur leur vie. Eh bien, toutes ces idéologies qui sont en fait des philosophies, avec leur dogmatisme, leur orthodoxie, ce sont les enfants, après sécularisation, de cette révolution chrétienne de la fin de l'Antiquité. Donc c'est pour ça que c'est absolument crucial d'étudier cette période. Vivante, cette semaine, monothéisme, polythéisme, un vocabulaire interrogé. Même si la notion de monothéisme est une mauvaise notion, à mon avis, je pense qu'il y a quelque chose qui nous chiffonne avec ça. Qu'est-ce qu'on cherche derrière cette histoire? En fait, je pense que ce qui nous chiffonne, c'est le christianisme. Il y a une différence entre le christianisme et la culture antique. Et c'est ça qu'on essaie de saisir. Pierre Vesperini, quand, au travers des échanges avec vos collègues, vous arrivez avec cet angle de vue sur le christianisme, et quand plus particulièrement vous avez affaire à des chercheurs croyants, les voyez-vous pâlir, verdir, passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand ils vous écoutent, voire même quand ils vous lisent? Quelles sont les réactions? Mais écoutez, ce que je vais vous dire est surprenant, mais c'est la vérité. En général, j'ai d'excellentes relations avec mes collègues catholiques et croyants, de façon générale. Je ne m'explique pas bien pourquoi. C'est vrai, souvent, je me suis dit, notamment dans mon dernier livre, où il y a un chapitre sur le christianisme assez sévère, je me disais, ouh, comment est-ce que tel collègue va lire ça? Il va peut-être... Non, je ne sais pas. Il y a une espèce de... Alors, j'ai une explication possible. Bon. D'abord, je pense que les gens sentent si vous êtes honnête ou pas. C'est-à-dire, vous pouvez vous tromper, vous pouvez être injuste. Mais si vous êtes injuste, mais de bonne foi, ça change tout. Si vous êtes injuste, mais de mauvaise foi, ça c'est autre chose. Et je pense que les gens sentent que je dis ce que je dis après avoir travaillé, après avoir fait de mon mieux, et donc me pardonnent mes éventuelles erreurs. Mais je pense qu'il y a une autre explication. C'est que, au fond, les chercheurs catholiques sont toujours des gens qui sont un peu sur la défensive, parce que c'est pas eux qui ont le haut du pavé, c'est ceux qui ont le haut du pavé, c'est ceux qui sont directement issus de cette tradition laïque, rationaliste, etc., militante, athée, agnostique, tout ce que vous voulez, matérialiste, etc. Donc ces gens, finalement, comme, au fond, je critique cette espèce d'histoire sacrée de la raison occidentale, je pense qu'ils ont une certaine sympathie pour ce que je fais. Par exemple, quand je dis que les philosophes antiques n'étaient pas des critiques de la religion, etc., ça leur plaît, évidemment, parce qu'on leur a tout le temps dit qu'eux, ils étaient des descendants, je ne sais pas, des inquisiteurs, bon. Alors, ils sont contents, bon. Et alors, peut-être ils me pardonnent mes critiques, par ailleurs, sur le critique. Mais une façon étonnante, une façon amusante, c'est que je me rends compte que... Au fond, quand on essaie vraiment de dire ce qu'on croit être la vérité, et donc on ne se réclame d'aucun groupe par conséquent. Donc c'est pas parce que je critique la tradition historiographique rationaliste que je vais pas critiquer par ailleurs le christianisme. Donc du coup, vous voyez que vous mettez un petit peu, enfin, vous risquez de vous mettre à dos des gens très très différents. Et dans mon dernier livre, par exemple, bon, alors bien sûr. Ça a suscité des réactions hostiles chez les philosophes, mais ça a aussi suscité des réactions hostiles chez des sociologues, par exemple, parce que on me reprochait de ne pas déboulonner les statues des philosophes. J'aurais dû, par exemple, dire qu'au fond, Platon et Aristote, tout ça, c'est quand même des constructions. Qu'est-ce qu'il y a à en tirer de tout ça, etc. Mais comme dans mon livre, dans un chapitre méthodologique, je défends la notion de génie, qui est une notion évidemment très critiquée par les sciences sociales. Et bien à ce moment-là, évidemment, je suscite des réactions de ce côté-là aussi. Et en fait, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup me rendre compte que je suscite de la réprobation dans différents camps. Arrivez-vous, Pierre Vesperini, à écrire pour le grand public? Est-ce que vous vous y êtes déjà frotté? Et si oui, est-ce difficile? C'est très difficile, et c'est le plus difficile. Parce que quand vous écrivez pour vos collègues, il y a des tas de notions sur lesquelles vous vous entendez, mais bien sûr, évidemment. Mais quand vous écrivez pour tout le monde, et en fait, j'écris toujours pour tout le monde. J'écris toujours pour tout le monde. Même mes articles des revues, quand j'écris dans une revue scientifique, j'écris toujours dans l'idée que n'importe qui doit pouvoir lire ça. C'est un souci, ce que je vous entends dire, c'est un souci chez vous. Non, c'est pas exactement un souci, c'est une ça n'aurait pas de sens autrement. Vous voyez, c'est pas exactement un souci. C'est mon métier n'aurait aucun sens si je n'écrivais pas pour tout le monde. Mon idée, c'est vraiment de passer quelque chose, de transmettre quelque chose. Et je me dis, ça peut être n'importe quel article qui peut chez quelqu'un susciter une flamme, un passage de torche, si vous voulez. J'entendais par souci accorder de l'importance à. Oui. Voilà. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais disons que c'est comme une espèce de combustible, si vous voulez. C'est la flamme, c'est plutôt cette image-là qui me viendrait, vous voyez. C'est ça qui me fait marcher, c'est mon moteur, c'est passer, transmettre, faire passer à n'importe qui. Allez. Et c'est effectivement le plus difficile. Autre question, dans la rencontre ou confrontation ou échange avec les étudiants, évidemment, ce type d'approche qui contient aussi, on peut dire, une catégorie un peu hors des sentiers battus, dans la tête des étudiants qui sont aujourd'hui beaucoup omnubilés, contraints à devoir faire utile, y a-t-il là des difficultés, des séquences d'accrochage ou d'incompréhension ? Écoutez, je ne sais pas, peut-être parce que les étudiants qui ne sont pas intéressés par cette démarche ne viennent pas à mon séminaire, c'est possible. Mais en tout cas, non, ce que je constate chez les étudiants qui viennent à mon séminaire, c'est au contraire un intérêt pour cette démarche-là, pour cette démarche consistant à exotiser au maximum l'Antiquité, à faire apparaître ses couleurs nouvelles. Et voilà. Et maintenant, c'est vrai, je crois qu'il y a effectivement chez les étudiants dont me parlent des collègues. Encore une fois, c'est pas des étudiants que j'ai vus directement, mais il y a chez un certain nombre d'étudiants aujourd'hui dans le domaine des humanités une demande de. Enfin, il faut que ça serve. Il faut que ça serve. Et donc, il faut que ça serve aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre, etc. Et cela, effectivement, à mon avis, est potentiellement pernicieux. Parce que ça conduit forcément à des simplifications. Bon, par exemple, je ne sais pas, justement, on va étudier l'Antiquité, mais avec, justement, ce genre de catégories, un peu avec des gros sabots, monothéisme, polythéisme, religion intérieure, religion éthique, tout ça, parce que finalement, étudier l'Antiquité dans sa réalité, qui est tellement différente de la nôtre, est tellement complexe, parce que non seulement, c'est non seulement, si vous étudiez l'Antiquité dans sa réalité, bah, ça peut, à première vue, vous pouvez vous dire, mais à fond, pourquoi est-ce que j'étudie ça? Ça n'a aucun rapport avec mon temps. Mais en plus de ça, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. C'est beaucoup plus simple d'arriver avec des ismes, avec des monothéismes, avec des religions intérieures, religions extérieures, que si vous commencez à regarder les textes, à les décortiquer, etc. Et donc, voilà, je pense que c'est potentiellement pernicieux. Maintenant, je dis potentiellement parce que, vous savez, je suis très... peut-être justement parce que j'ai ce tempérament, je suis toujours pour expérimenter. Peut-être qu'on peut aussi... à partir d'une méthode erronée, arriver à des résultats féconds. Non seulement peut-être, mais j'en suis convaincu. Je pense qu'on peut aussi arriver à des résultats intéressants à partir de méthodes qui peuvent être imparfaites ou un peu grossières. Du moment que la personne a un talent, là aussi ce que je dis peut sembler un peu... choqué, mais je pense que effectivement la méthode n'est pas tout. Il y a aussi chez les individus des prédispositions, un certain talent. C'est comme des gens qui, par exemple, ce qui nous paraît évident, par exemple pour le football. Je veux dire, il y a des gens qui sont doués pour jouer au football. De la même façon, je pense pour la recherche, il y a des gens qui sont doués pour ça ou pas. Et donc, quelqu'un qui est vraiment doué pour la recherche, même s'il a une méthode que je pourrais trouver un peu grossière, à mon avis, peut donner des résultats peut-être plus intéressants que quelqu'un qui a une méthode que je trouverais excellente, mais qui n'aurait pas cette espèce de talent pour la recherche. C'est avec Pierre Vesperini, chargé de recherche au CNRS, que nous concluons cette semaine au cours de laquelle nous nous sommes intéressés et avons donné écho à la table ronde qui s'est tenue le 5 novembre dernier à Paris autour de la question ainsi formulée : monothéisme, polythéisme des catégories pertinentes pour l'histoire des religions. Merci à Daniel Barbu d'avoir enregistré les différentes interventions. Daniel Barbu, co-organisateur avec Constantin Macris, Joël Soler et Anna Vandenkarchhoff de cette rencontre. Nous laissons sur le site d'Histoire Vivante de quoi vous alimenter davantage si ce sujet vous inspire et, dans ce temps de relative suspension, comment ne pas l'imaginer. La réalisation de cette semaine, ainsi que le choix des extraits de ce colloque, était signé David Golan. Dimanche soir, rendez-vous sur RTS2 pour découvrir le nouveau documentaire d'Histoire Vivante, Sauver Notre-Dame, un titre qui se suffit à lui-même. La semaine prochaine, en nouvelle diffusion, la thématique que nous avions consacrée à Charlie Chaplin. Un peu de grâce dans un monde malade. Restez chez vous, prenez soin de l'ensemble et portez-vous le mieux possible. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.